Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la création de l'Université du Québec à la fin des années 60. Dès 69, on fixait les objectifs particuliers de cette université-là. Par exemple, favoriser l'accessibilité plus large de la population à l'université, donc créer une université populaire en favorisant l'éducation permanente, par exemple. La déconcentration géographique, sous le mandat de M. Rivrain, on a créé 6 institutions distinctes de l'Université du Québec. Et ensuite, on a voulu favoriser la participation interne des différents organismes de l'université à la direction de l'institution. Le journaliste Jean-François Lépine qui rappelle à l'émission Présent en juillet 1973 les principaux objectifs, les grands principes aussi, qui ont conduit à la création de l'Université du Québec à la fin des années 60. La loi qui va créer l'Université du Québec est adoptée à l'Assemblée nationale le 14 décembre 1968. Le 9 avril 1969, l'Université du Québec à Montréal reçoit ses lettres patentes par décret et la première rentrée de cette nouvelle université qui se veut en fait une université nouvelle, se fait à l'automne 1969. L'Université du Québec deviendra l'un des principaux instruments collectifs de développement de la société québécoise, d'après M. Jean-Marie Morin, ministre d'État à l'Éducation. Prévoyant que le nombre d'inscriptions doublera dans nos facultés universitaires au cours des 10 prochaines années, le ministre d'État à l'Éducation souligne qu'il était urgent de créer l'Université du Québec pour accommoder la multitude croissante d'étudiants. Des équipes de travail, a-t-il dit, sont actuellement à l'œuvre à Montréal, à Trois-Rivières et à Chicoutimi pour mettre en place les premiers éléments de l'Université du Québec. De nouvelles implantations se feront aussi en d'autres régions à mesure que se manifesteront les besoins et les possibilités. Cette vaste université, prévoit M. Morin, jouera un rôle essentiel dans l'enseignement supérieur, ouvrira de nouvelles avenues à la recherche, explorera les sources d'énergie, les moyens de communication, les nécessités de l'urbanisation. L'Université du Québec fournira aussi ses ressources à l'économie, à l'administration, à l'industrie de pointe, à la technologie avancée, aux sciences appliquées. Elle assurera la jonction du monde universitaire, de l'entreprise et du gouvernement dans l'ordre des recherches et des disciplines qui engagent l'avenir du Québec. En somme, souligne le ministre d'État à l'Éducation, l'Université du Québec contribuera de tous ses moyens au développement d'un État moderne. Ici André Dufour à Québec. Extrait du Radio-Journal du 10 avril 1969, le lendemain de la naissance officielle de l'Université du Québec à Montréal, pour nous raconter l'histoire de l'Université du Québec, nous rappeler aussi le contexte dans lequel elle va naître, cette fameuse université. Mon invité est la journaliste, auteure Lise Bissonnette, qui a aussi été présidente du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal pendant 5 ans, de 2013 à 2018. Lise Bissonnette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes très attachée à cette université, à l'Université du Québec, Lise Bissonnette. Pourtant, vous n'y avez jamais étudié ou enseigné. Pourquoi un tel attachement? Il y a des raisons personnelles à mon attachement. C'est d'une part, quand l'Université du Québec est née, j'avais entrepris un doctorat que j'ai jamais terminé sur les nouvelles universités, en fait. Et puis, j'étais inscrite en Europe, donc je m'étais intéressée au concept des nouvelles universités, d'une part. Parce que ça naissait partout à ce moment-là. Partout. Il y en avait... moi-même, j'étais inscrite à l'Université de Vincennes. Il y avait, pensez-y, Nanterre, des universités comme celle-là. Il y avait en Angleterre aussi des toutes nouvelles universités qui étaient très différentes du modèle classique de, oui, d'Oxford et les autres. On les appelait les plate glass universities par rapport à... Ça se rapportait à leur architecture, justement, oui, moderne. Et aux États-Unis, il y en apparaissait un peu partout. Donc, le Québec n'est pas seul à ce moment-là. Et l'Université du Québec s'inscrivait dans cette tradition-là. Ensuite, quand je suis revenue à Montréal en 70, je suis devenue agente de recherche au premier bureau d'études institutionnelles. J'ai, oui, même participé à la création, à la rédaction des premiers textes. Donc, vous y avez travaillé quand même. Oui, oui. Ouais. Et je me souviens très, très bien de ça, de l'agitation et l'animation que nous avions autour de l'enthousiasme autour de la création de l'Université du Québec de ses premières années. Ensuite, mon compagnon a été la cheville ouvrière du comité qui a mis sur pied l'UQAM. En fait, il en a été aussi le premier vice-recteur exécutif. Et c'est Godefroy Cardinal, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis aussi, évidemment, mon séjour à la présidence du conseil d'administration de l'UQAM et mon intérêt général, ouais, pour la démocratisation de l'éducation, ouais, au Québec. Parlons un peu du contexte dans lequel elle va naître, cette université. Ça n'apparaît pas, l'Université du Québec, cette université nouvelle du jour au lendemain. Dans quel contexte on en arrive à créer cette université? Bon, la loi est adoptée en 68, mais c'est vraiment en 69 qu'elle voit le jour. Mais tout ça, ça date du début des années 60, en fait. Il faut y aller rapidement. Le Québec se dote de nouvelles institutions d'éducation. Pensons à l'opération 55 qui va créer les écoles secondaires partout sur le territoire. Ensuite, les cégeps qui suivent tout de suite après, les collèges d'enseignement général et professionnel. Puis ensuite, l'université. Il faut rappeler une chose majeure ici. L'enseignement postsecondaire et particulièrement l'enseignement supérieur au Québec, l'État n'avait rien à y faire, oui. En fait. C'était entièrement privé, totalement privé. Il y avait 6 universités, 3 de langue anglaise, 3 de langue française, et l'État se contentait de leur envoyer des subventions, oui. Un peu comme aux hôpitaux. Donc, c'est un geste majeur qui est non seulement la création d'une université nouvelle au Québec, et surtout, il y avait tout un mouvement pour la création d'une deuxième université de langue française à Montréal, mais c'est l'engagement de l'État, oui. À s'occuper de l'enseignement supérieur, qui est à l'origine, qui est le grand contexte et qui va marquer une rupture, en fait, avec les temps que j'appellerais préhistoriques. Donc, les universités ne sont plus laissées à elles-mêmes. Il y a une pensée, une direction politique qui est pensée, oui. Donc, à Québec. Mais attention, il y avait beaucoup de résistance à ça. Même le rapport Parent, qui est la Bible, en oui. fait, pour nous, de la réforme de l'éducation, le rapport Parent proposait tout simplement une université qu'il appelait à charte limitée, c'est-à-dire qu'il n'aurait enseigné qu'au premier cycle à Montréal, avec des points de service en province, et un office de développement de l'enseignement supérieur au ministère. Vous voyez ce que je veux dire? On est encore, même le rapport Parent, qui était très audacieux, oui. quand même, en toute chose, sur la question universitaire, a été d'une grande timidité. Mais ça ira plus loin, et ça va créer, parce que dès le départ, on décidera finalement, revenons à ça, c'est plus qu'un jeu de mots, on dit c'est une nouvelle université, mais c'est une université nouvelle. Oui. On revient à ce courant dont vous parliez, les City Universities aux États-Unis, ces universités nouvelles, il y en a un peu partout, et on décide que l'Université du Québec, ce sera ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'une part, on a beaucoup parlé de démocratisation, d'accessibilité, c'est vrai, c'est l'accès de masse. Hein. Il faut rappeler qu'au Québec, là, au début des années 60, il y a 18 000 étudiants dans les 3 universités de langue française. 18 000! c'est pas beaucoup. Il y a 7 % des garçons de 17-24 ans qui sont à l'université et 1,5 % des filles. Donc, oui. on est vraiment dans le désir d'élargir massivement l'accès à l'université, c'est ça. Mais au surplus, il y a une volonté de transformer l'université classique qu'on appelait la Tour d'Ivoire, au oui. fond, et de laisser entrer des disciplines nouvelles. D'ailleurs, l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure le montre bien. On parle de toutes sortes d'études nouvelles. Et là, ça s'inscrit aussi dans un contexte d'agitation universitaire. J'étais en France, moi, à la fin de 68, mais c'est l'année 68, donc l'année de mai 68, des oui. grandes contestations. On a connu la même chose, surtout dans les cégeps au Québec et tout à ça. À l'automne 68. Et là, les gens disent, oui, on veut une nouvelle université, on est content d'avoir une nouvelle université, mais il faut qu'elle soit vraiment différente des oui. autres. Et là, ça va se traduire dans diverses exigences. D'une part, la gestion participative. Oui. Il faut que tout le monde participe de haut en bas. Bon, la structure, c'est une université qui est faite en réseau avec une tête à Québec et des constituantes dans les régions. Et même à Québec, à la tête du réseau, les professeurs et les étudiants doivent être très présents et ça se répercute jusque dans oui. La structure des locales, si vous voulez. Et puis en plus, bon, la diversité des enseignements oui. et puis un climat assez effervescent. Oui, on va y revenir sur ce oui. climat-là parce qu'effectivement, il y aura une culture ambiante, un état d'esprit qui va faire partie de l'identité de cette université, de ce réseau des universités du Québec. Un petit mot encore sur... vous le disiez, on a... même ce sacro-saint rapport Parent était timide. Oui. On est allé plus loin, finalement, oui. avec la création de l'Université du Québec en 68-69. Comment c'est reçu? Officiellement, saluer unanimement, la classe politique salue l'avenue de cette université nouvelle-là. Oui. Dans les faits, comment c'est reçu la création de cette université? Dans les faits, je crois que ce qu'on pourrait appeler la partie progressiste du Québec, si vous voulez, il y a toujours une gauche et une droite, en fait, surtout dans les milieux plus progressistes, et c'est relativement bien reçu, certainement. Parce que ça a dû déranger, quand même, dans certains dans milieux. Dans les régions, il y avait un appétit. On sait très peu, on s'est contenter très, très, très peu de ce que le gouvernement voulait faire au début, un peu juste des centres universitaires, par exemple à Rouen, par exemple à Hull, etc. Là, on voulait des vraies universités partout. Mais je dirais que chez les autres universités, la réaction était quand même plus tiède, là. Souvenez-vous que les professeurs de l'Université de Montréal, qui s'étaient battus contre l'idée qu'une nouvelle université pouvait être jésuite, en fait, et réclamait une université laïque, ne voulait pas une autre université. Donc, la tentation, c'était de dire « Oui, oui, on les accueille, ils doivent faire accéder des milliers d'étudiants. On leur propose, c'est dans la loi de l'Université du Québec, de faire de la formation des maîtres. Tout ça, c'est très bien, mais ne touchons pas aux autres empires, si vous voulez. » Et à ce jour, il y a encore un peu de ça dans la façon dont on regarde l'Université du Québec. Ce regard un peu hautain. Oui, c'est bien, mais c'est pas une vraie université en guillemets. Ça se dirait, ça, à une certaine époque. On dit gentiment, c'est une université pour les étudiants de première génération. On est très nombreux au Québec à être des étudiants de première génération à être allés à l'université. Actuellement, je trouve que cette phrase qui semble bienveillante, au fond, cache le même désir qu'autrefois, qui était de limiter cette université à surtout des études de premier cycle, un peu de recherche, mais pas très sérieusement. Donc, à l'époque, cette résistance-là, elle est quand même assez manifeste. Elle ressemble à quoi, au tout début? Donc, en 69, là, à la première entrée, elle ressemble à quoi, cette université? Parlons peut-être de Montréal, qui est quand même le centre. On peut parler du Cap. En fait, il y a la nouvelle université, c'est d'abord une nouvelle façon de procéder. Il n'y avait pas de faculté. Il faut se souvenir de ça aussi. C'est terminé, ça s'est assagi maintenant. On est retourné au régime des facultés. Mais tout était organisé par un module dans lequel des professeurs et des étudiants étaient réunis qui, eux, commandaient des cours à des départements. Donc, vous voyez la demande... Mais on construit avec ce qui existe déjà au tout début. Oui, on construit avec des institutions existantes. Mais, en fait, ce sont surtout physiquement les étudiants et beaucoup des professeurs, en fait, qui travaillaient dans les collèges, dans les écoles normales, un peu partout au Québec. Beaucoup les Beaux-Arts, à Montréal les aussi, c'est ça. Mais on installe très rapidement, c'est ça, cette nouvelle structure qui est assez révolutionnaire eu égard aux universités normales, classiques, traditionnelles. Et ensuite, autre chose qui est très présente dès le début, et aujourd'hui, c'est plus tellement une nouveauté, mais on se dit que cette université-là doit servir la collectivité. Ouais. Donc, on instaure un service qui s'appelle les services à la collectivité. Et ça, ce n'est pas des partenariats avec les entreprises, comme on a tendance à le voir un peu aujourd'hui. C'est le service à des groupes communautaires, des groupes qui en ont moins, aux groupes moins favorisés, qu'on va aider avec notre science et notre savoir. Si vous voulez. Et c'est toute la conception. Je propose d'écouter un extrait qui nous ramène justement à septembre 69. J'allais dire, c'est toute la conception de l'université, de la place de l'université dans la cité, dans la société, de la vie universitaire qui change avec cette Université du Québec qui arrive. Léo Doret, qui est recteur de l'Université du Québec à Montréal, en parle à Françoise Fauché, à l'émission Femmes d'aujourd'hui, en septembre 1969. Monsieur Doret, qu'est-ce que les étudiants peuvent espérer trouver à l'Université du Québec? Est-ce que ça sera comme dans les auberges espagnoles? On y trouvera ce qu'on voudra bien y apporter? Oh, je pense qu'essentiellement, l'Université du Québec, en tant que nouvelle université, voudrait être un lieu significatif pour les étudiants durant leur séjour à l'université. C'est-à-dire? Je crois que ce que l'on reproche le plus souvent aux universités, disons, traditionnelles, pour n'en nommer aucune, c'est de ne pas être significative, c'est-à-dire d'être en dehors de la vie, d'être là, et puis on y passe, et quand c'est fini, on en sort. Alors, l'Université du Québec veut vraiment faire que, non pas ce séjour, non pas ce passage, mais cette vie à l'université pendant 3, pendant 4 ans, soit un élément significatif pour la personne qui y vit. Et par conséquent, il n'est pas étonnant de penser que l'université est basée essentiellement sur la participation des gens, sur une activité de tous ses participants. Mais comment envisagez-vous la participation des étudiants, notamment? Alors, elle est définie à tous les niveaux. Elle est bien sûr institutionnalisée, mais elle est définie à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous avons des modules, et dans ces modules, les étudiants sont à parité avec le personnel enseignant pour déterminer les programmes. Nous avons des conseils de famille où les étudiants sont à parité avec le personnel pour viser les programmes. Et nous avons un conseil des études, une commission des études et un conseil d'administration où, par définition, les étudiants ont des sièges. À la lumière de ça, comment envisagez-vous la contestation? Alors, la contestation dans notre université, elle est déjà inscrite dans les structures et, par conséquent, elle est bienvenue. Nous parlons ici d'une contestation qui est constructive, c'est-à-dire d'un regard critique sur ce qui est proposé au plan des programmes et au plan de l'opération. Et là-dessus, je crois qu'il est à peu près acquis que nos programmes dans 2 ans ne ressembleront pas aux programmes que nous avons maintenant. Je crois que les gens qui y auront travaillé 2 ans seront un peu mieux que ceux qui y ont travaillé pendant quelques mois. Une université au sein de laquelle les étudiants participent aux décisions, une université au sein de laquelle, Lise Bissonnette, la contestation est bienvenue et saluée par la direction. On est face à une petite révolution. Oui, et M. Dorel l'incarne parfaitement, je dirais. C'est quelqu'un qui n'avait absolument pas peur de la contestation. Sa première année de mandat a été absolument chaotique, non pas à cause de lui, mais parce qu'on était dans 68, 69, 69, ouais. 70 et tout ça. Et il n'avait pas peur de ça parce que sa conception, et c'était largement partagée, ça l'est encore aujourd'hui, d'une université, c'est que l'université doit, oui, amener des nouvelles personnes sur le marché du travail qui sont mieux qualifiées, etc. Bon, c'est la mission de toutes les universités, mais elle doit demeurer critique vis-à-vis la société où elle se trouve. Et c'est non seulement dans ses structures, mais on pourrait dire aussi, il parle rapidement des programmes. Mais quand vous regardez la liste des programmes, ça ne ressemble pas du tout à ce qui se passe. Bon, c'est beaucoup interdisciplinaire. Je donne des exemples. Les sciences juridiques, sciences de la terre, sciences de la santé, communication, études urbaines et touristiques, sciences de l'environnement, études féministes. Ce sont des choses qui n'existaient pas dans les facultés. On réinvente et on fait pénétrer les disciplines les unes dans les autres. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça prend un certain temps, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, d'un peu partout dans le monde, en fait, les étudiants étrangers qui viennent étudier à l'Université du Québec, que ce soit d'ailleurs, non pas seulement à l'UQAM, mais à Rimouski, à Chicoutimi ou ailleurs, aiment beaucoup ce modèle-là. Oui. Vous parlez de Rimouski, Chicoutimi. Effectivement, on y revient à cet aspect régional, régionalisation, qui est là dès le départ. Ça fait partie des objectifs de la création de cette Université du Québec. L'Université du Québec à Chicoutimi est créée dès 1969. Il y a quelques universités déjà en 69 avec Montréal qui sont créés. Je propose d'écouter le recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, justement, André Desgagnés, parler de l'importance qu'a eu pour sa région. Extrait de l'émission présent le 25 juin 70. Mais déjà, il peut faire le bilan de ce que ça a changé, cette université, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'impact a été considérable. J'entendais encore il y a une couple de jours un industriel important de la région me dire publiquement, d'ailleurs... L'université, l'arrivée de l'Université du Québec à Chicoutimi est l'événement le plus majeur qui a s'être produit dans la région depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis l'implantation de l'ALCAN. Et c'est un peu vrai, même du point de vue des affaires, je pense que ça a activé les affaires. L'arrivée massive là, de professeurs avec leurs familles, l'implantation de l'université, ses cadres et ainsi de suite. Maintenant, l'autre impact, je pense qu'il est considérable, mais il est difficile de le mesurer pour l'instant encore. C'est au plan de la culture, au plan social. L'arrivée de l'université, évidemment, va provoquer un renversement, ou en tout cas, une restructure de la hiérarchie des valeurs de la région. À quel sens? C'est qu'autrefois, la hiérarchie des valeurs était très traditionnelle, n'est-ce pas? C'était d'abord... le clergé, qui était la valeur suprême, n'est-ce pas, la valeur... Et puis, c'était les commerçants et les médecins. En somme, c'était la hiérarchie traditionnelle, jusqu'à ces derniers temps. Avec l'arrivée de l'université, je pense que tout cela se trouve remis en question. La hiérarchie des valeurs va se modifier. Ça ne veut pas dire que tout sera renversé, mais je pense que la mesure exacte de chacune de ces valeurs va être mieux perçu. Alors, quel impact va avoir concrètement, Lise Bissonnette, l'implantation de l'Université du Québec dans différentes régions du Québec? L'Université du Québec va s'implanter dans presque toutes les régions du Québec et ça s'est fait... Rapidement. Ça s'est fait en moins de 5 ans. Toutes les bases sont là, de Rouyn-Noranda jusqu'à Chicoutimi, en passant par Trois-Rivières. Et ça donne une bonne idée de l'appétit qu'avaient les régions pour ça, qui vont vouloir rapidement avoir des vraies constituantes de l'Université du Québec. Mais le recteur a tout à fait raison, dès 70, de reconnaître. Et si on voulait aujourd'hui faire le bilan de l'Université du Québec et qu'on voulait le faire le bilan pour le Québec, on pourrait dire que c'est peut-être la chose la plus importante crise qui se soit produite au plan social et économique dans les régions. On peut parler de tout ce qu'on voudra à propos du développement économique du Grand Nord, de tout ce qu'on voudra. Parce qu'il y a un arrimage, mais, c'est vrai, entre les mais programmes. Mais ce qui a changé la figure des régions au Québec, ce qui a changé, c'est l'arrivée des cégeps, bien sûr, mais surtout des universités qui ont travaillé avec à la fois les forces, si vous voulez, plus traditionnelles, industrielles des régions. On le sait, les océans, les ressources naturelles, etc. Ouais. Les universités sont très présentes. Mais aussi, et croyez-en, une fille de Rouyn-Noranda qui vous parle, en fait, à l'œil nu, on voit la différence, elle est majeure. Ouais. On a créé au Québec des cités étudiantes qui sont devenues qui ont créé des cités culturelles, qui ont démocratisé la culture sur l'ensemble du territoire. Et c'est l'université qui est la force majeure derrière tout ça. Ça a changé la sociologie des Québécois. Oui, ça c'est intéressant. C'est déjà l'heure des bilans. Si on trace deux colonnes, on parlera dans un instant de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, cette université, mais si on refait l'histoire de ces 50 ans de vie de l'Université du Québec, dans la colonne des positifs, dans la colonne des négatifs? Ben, dans la colonne des positifs, c'est effectivement la démocratisation de l'enseignement supérieur. Il n'y a pas de doute, on scolarise aujourd'hui le tiers environ des étudiants du Québec qui sont dans des universités de l'Université du Québec. L'impact sur les régions dont on vient de parler, c'est majeur. Et le renouvellement des disciplines, l'innovation dans ces universités qui est vraiment supérieure à ce qu'on peut voir ailleurs. Ils sont allés, les universités du Québec sont allées dans les disciplines que les autres universités... Elles en ont inventé. Exact. Elles en ont inventé, en fait. Les sciences juridiques, et puis même si elles n'ont pas de faculté de médecine, elles sont engagées dans d'autres aspects du domaine de la santé. Partout, elles pénètrent là où les autres universités n'avaient pas pénétré, et elles sont très, très, très contemporaines, très, très proches de leur temps. Alors ça, c'est majeur et très important. D'autre part, ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est qu'à cause du freinage, littéralement, de la contribution des gouvernements, et particulièrement du gouvernement du Québec, au développement des universités, mais particulièrement des universités publiques, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une université qui a été créée par l'Assemblée nationale à son unanimité et qui, aujourd'hui, ne trouve à l'Assemblée nationale qu'une sorte d'indifférence amicale. Oui. Appelons ça comme ça, puis amicale, j'exagère un peu, en fait. Une sorte d'idée que c'est un peu terminé, si vous voulez. Il y a une centaine de milliers d'étudiants qui sont là, bon, pourquoi pas. Et elle est arrêtée dans son développement. La structure est désuète, la structure de siège social à Québec avec une autorité, bon, elle est désuète. Et d'autre part, en fait, on peut difficilement avancer en matière de recherche et de financement. Tout le monde reconnaît que le sous-financement est structurel de l'Université du Québec en recherche. On parle de sous-financement de toutes les universités, mais encore en particulier, plus de l'Université du Québec. Et notamment pour les infrastructures. En fait, tout l'argent qui vient du fédéral a été dirigé vers les autres universités pour l'essentiel. Les infrastructures de recherche, l'Université du Québec s'en plaint régulièrement, ne reçoit pas suffisamment, ne reçoit pas sa proportion. Ouais. Même la structure, la formule de financement, si vous voulez qu'il y a des bases historiques, ce serait trop long d'entrer là-dedans, mais elle défavorise en grande partie l'Université du Québec, surtout aujourd'hui où on demande aux universités d'aller chercher du mécénat. Ouais. Comment voulez-vous, quand vous avez 50 ans, aller chercher le même mécénat qu'une université qui en a 150 et qui a été fondée au 19e siècle? Lise Bissonnette, c'était un bonheur de vous recevoir. Merci infiniment. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.